costade de Value George. Paradon glorieux et le fou. Paradon glorieux et le fou. Ce matin ou cette nuit, en me réveillant, j'ai cru rêver de la réalité. Réveillant, j'ai cru rêver de la réalité.